La Bible David Martin 1855. Le livre de Jérémie le prophète. Jérémie chapitre 1. Les paroles de Jérémie, fils d'Ilkija, d'entre les sacrificateurs qui étaient à Anatot, au pays de Benjamin, auquel fut adressée la parole de l'Éternel, au jour de Josia, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, laquelle lui fut aussi adressée au jour de Jéhojakim, fils de Josia, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécia, fils de Josia, roi de Juda, savoir, jusqu'au temps que Jérusalem fut transportée, ce qui arriva au 5e mois. La parole donc de l'Éternel me fut adressée, en disant, « Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. » Et je répondis, « Ah! Seigneur Éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis point, je suis un enfant, car tu iras partout où je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te commanderai. Ne crains point de te montrer devant eux, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Et l'Éternel avança sa main, et en toucha ma bouche, puis l'Éternel me dit, « Voici, j'ai mis mes paroles en ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, afin que tu arraches et que tu démolisses, que tu ruines et que tu détruises, que tu bâtisses et que tu plantes. » Puis la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, « Que vois-tu, Jérémie ?» Et je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je me hâte d'exécuter ma parole. » Alors la parole de l'Éternel me fut adressée pour la seconde fois, en disant, « Que vois-tu ?» Et je répondis, « Je vois un pot bouillant, dont le devant est tourné vers l'Aquilon. » Et l'Éternel me dit, « Le mal se découvrira du côté de l'Aquilon, sur tous les habitants de ce pays-ci. Car voici, je m'en vais appeler toutes les familles des royaumes de l'Aquilon, dit l'Éternel, et elles viendront, et mettront chacune son trône à l'entrée des portes de Jérusalem, et près de toutes ses murailles à l'environ, et près de toutes les villes de Juda. Et je leur prononcerai mes jugements, à cause de toute leur malice par laquelle ils m'ont délaissé, et ont fait des parfums à d'autres dieux, et se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Toi donc, trousse tes reins, et te lève, et dis-leur toutes les choses que je te commanderai, ne crains point de te montrer devant eux, de peur que je ne te fasse mettre en pièces en leur présence. Car voici, je t'ai aujourd'hui établi comme une ville forte, et comme une colonne de fer, et comme des murailles d'airain, contre tout ce pays-ci, c'est-à-dire, contre les rois de Juda, contre les principaux du pays, contre ses sacrificateurs, et contre le peuple du pays. Et ils combattront contre toi, mais ils ne seront pas plus forts que toi, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer.